Le comité central du Parti du Travail de Corée a envoyé son message de remerciement au personnel du complexe d'arboriculture fruitière de Gosan, de la province du Gangwon, qui a crié l'exemple de l'application de la résolution du 7e congrès du parti par l'abondance des fruits sans précédent. La réunion pour la remise du message a eu lieu sur place le 22 septembre. Y ont figuré les cadres intéressés, le personnel du complexe. Le message indique que l'abondance des fruits au complexe développé en verger prospère d'ordre mondial grâce à l'amour sublime des grands leaders pour le peuple et la fierté du paradis socialiste due au patriotisme et au dévouement du personnel. Il apprécie le personnel qui a connu l'abondance des fruits étonnant le monde entier et crée l'exemple de l'application de la résolution du 7e congrès du parti. On a prononcé des interventions et adopté la résolution.